Ceci est un enregistrement de Léa pour audiocité.net. Du chanoine de l'église métropolitaine de Tours, Jules de Bellune. L'alphabet de l'enfant Jésus. Mes chers petits enfants, voici un livre qui vous apprendra à connaître et à aimer l'enfant Jésus. C'est un alphabet dont chaque lettre vous présentera l'image du divin enfant et vous rappellera une de ses vertus ou de ses perfections. Une parole inspirée par l'Évangile accompagne partout l'image de Jésus. Vous lirez cette parole pieuse avec respect et amour. Vos bons parents vous aideront à la comprendre et vous la conserverez dans votre cœur comme une goutte de parfum tombée au fond d'un vase. Vous trouverez aussi dans ce livre les scènes illustrées de la vie de Jésus enfant. Une petite instruction vous en donnera toujours l'explication et la morale. Lisez-la comme tombant de la bouche de Jésus lui-même qui veut, selon la faiblesse de votre âge, vous nourrir tendrement de la parole de vie.